Chapitre 10e, le testament de Sir Roger. Le docteur Thorne sortit de la chambre de Sir Roger et descendit, sachant bien qu'il ne pouvait quitter la maison sans prendre au moins congé de Lady Scatcherd. Il était à peine arrivé dans le corridor qu'il entendit retentir la sonnette du malade, puis un domestique qu'il rencontra sur l'escalier reçut l'ordre de faire partir à l'instant un messager à cheval pour Barchester. Le docteur Philgrave devait se rendre en toute hâte auprès du malade, et M. Winterbones était appelé pour lui écrire un billet. Sir Roger avait eu parfaitement raison de supposer que le docteur échangerait quelques paroles avec sa femme. Il ne pouvait même s'en dispenser, quel que peut être son désir à cet égard. Ils causèrent donc ensemble pendant que l'on amenait le cheval du docteur devant la porte de la maison. Lady Scatcherd n'aurait pas pu figurer dignement parmi les autres femmes des baronnets anglais. Son éducation et ses manières la rendaient plutôt propre à s'associer à leurs domestiques. Mais il ne s'ensuivait pas que ce fût une mauvaise femme, ou une femme dénuée de tout mérite. Elle était péniblement affectée de l'état de santé de son mari, qu'elle aimait et respectait au-dessus de tous les autres hommes, comme cela convient à une femme. Elle éprouvait beaucoup d'inquiétude pour la vie de Sir Roger, bien persuadée que si quelqu'un pouvait la prolonger, c'était le sincère ami qui ne les avait jamais abandonnés depuis leur premier malheur. Aussi son cœur fut-il prêt de se briser lorsqu'elle apprit que le docteur Thorne avait été congédié et qu'un autre était appelé à sa place. « Mais docteur, vous n'allez pas l'abandonner, n'est-ce pas ? » dit-elle en s'essuyant les yeux avec son tablier. Le docteur eut toutes les peines du monde à lui faire comprendre que l'étiquette lui interdisait de continuer ses visites, du moment qu'on avait envoyé chercher un autre médecin. « L'étiquette ? » répéta-t-elle en pleurant. « Qu'est-ce que l'étiquette a à faire avec un homme qui se tue à force de boire de l'eau de vie ?»« Philgrave lui défendra d'en boire aussi bien que moi. »« Philgrave, » dit-elle. « Philgrave, fi donc !» Le docteur l'eût volontiers embrassée pour la confiance illimitée qu'elle lui témoignait et pour le profond mépris que ce peu de mots laissait percer pour son rival. « Je suis décidée, » reprit-elle, « à ne pas envoyer le messager. » J'en subirai les conséquences. Scatcherd ne peut pas faire grand-chose maintenant qu'il est au lit. Je ne veux pas de Philgrave ici. » Le docteur Thorne essaya de faire comprendre à Lady Scatcherd qu'après ce qui s'était passé, il ne pouvait revenir sans être rappelé. « Mais vous reviendrez comme ami, n'est-ce pas ? Vous viendrez de temps en temps, et petit à petit tout s'arrangera, hein, quant au paiement. » On s'imagine facilement tout ce que le docteur lui dit à ce sujet. De cette façon, et en partageant le déjeuner qu'elle l'avait forcé à accepter, près d'une heure s'était écoulée depuis qu'il avait quitté la chambre de Sir Roger jusqu'au moment où il mit le pied dans l'étrier. Mais son cheval n'avait pas fait 10 pas qu'une des fenêtres du premier étage s'ouvrit et qu'il s'entendit rappeler dans la chambre du malade. « Il faut que vous veniez, de gré ou de force !» cria M. Winterbones en mettant toute l'emphase possible sur ces derniers mots. « Thorne ! Thorne ! Thorne ! » criait le malade d'une voix si vibrante que le docteur l'entendit. « Il faut que vous reveniez de gré ou de force !» répéta Winterbones avec plus d'emphase encore. Nous ne saurions dire si ces paroles décidèrent le docteur, ou si quelque arrière-pensée le fit changer d'avis. Toujours est-il qu'il descendit lentement de cheval et qu'il rentra dans la maison. « C'est bien inutile, » se dit-il, « puisque le domestique est déjà parti pour Barchester. » J'ai envoyé chercher Philgrave. » Ce furent les premières paroles qu'il accueillirent lorsqu'il s'approcha du lit. M'avez-vous rappelé pour me dire cela ? Dit le docteur, réellement irrité de la pétulante impertinence du malade. Vous devriez au moins penser, Scatcherd, que mon temps peut être utile aux autres s'il ne l'est pas pour vous. Ne vous fâchez pas, mon vieux, dit Scatcherd en se tournant vers le docteur et en lui montrant un visage tout différent de celui qu'il avait montré une heure auparavant. Car sa physionomie laissait voir quelques traces de bons sentiments et même d'affection. Vous n'êtes pas fâché parce que j'ai envoyé chercher Philgrave. Pas le moins du monde, dit le docteur avec bonhomie. Philgrave vous fera autant de bien que je puis vous en faire. C'est-à-dire qu'il ne m'en fera pas du tout, hein, Thorne? Tout dépend de vous. Il vous fera du bien si vous lui dites la vérité et si vous suivez ses avis. Votre femme, votre domestique, n'importe qui, peut-être pour vous aussi bon médecin que lui ou moi, c'est-à-dire au point de vue essentiel. Mais vous avez fait demander Philgrave et vous ne pouvez pas faire autrement que de le voir. J'ai beaucoup à faire. Laissez-moi donc partir. Thorn, reprit Sir Roger en retenant le docteur par la main, si vous le désirez, je ferai mettre Philgrave sous la pompe dès qu'il arrivera et je paierai les dommages et intérêts. C'était une proposition à laquelle le docteur ne pouvait réellement pas consentir, mais il ne put s'empêcher d'en rire. Il y avait dans la physionomie de Sir Roger une expression de prière si sincère, une satisfaction si comique, qu'il était facile de voir que s'il reçut le moindre encouragement, il aurait infailliblement mis sa menace à exécution. Notre docteur était loin de désirer soumettre son savant confrère à une aussi rude expérience du traitement hydrothérapique, mais il ne put se défendre de trouver l'idée assez plaisante. « Je le ferai, je le jure, » reprit Scatcherd. « Vous n'avez qu'à dire un mot. » Mais ce mot, le docteur ne le dit pas, et Sir Roger renonça à son idée. « Vous ne devriez pas être si susceptible avec un malade, » reprit-il en le tenant toujours par la main, « surtout avec un vieil ami, et cela après l'avoir grondé comme vous venez de le faire. » C'eût été du temps perdu que de lui répondre que la susceptibilité avait été toute de son côté. Le docteur se contenta donc de sourire et demanda au malade s'il pouvait faire quelque chose pour lui. « Certainement que vous le pouvez, et c'est pour cela que je vous ai fait demander hier. « Sortez, Winterbones, » dit-il rudement à ce dernier, comme s'il eût parlé à un chien. Winterbones, nullement offensé, cacha de nouveau son verre sous le pan de son habit et sortit de la chambre. « Asseyez-vous, Thorn, » dit l'entrepreneur d'un ton tout différent de celui avec lequel il lui avait parlé jusqu'alors. « Asseyez-vous. Je sais que vous êtes pressé, mais vous m'accorderez bien une demi-heure. Qui sait, je serai peut-être mort avant que vous puissiez m'en donner une autre. « J'espère que nous aurons encore bien des demi-heures de causerie avant que vous en veniez là, Scatcherd. »« Cela est probable. »« En attendant, vous pouvez bien me donner un moment. »« Votre cheval paiera pour le temps perdu, voilà tout. » Le docteur prit un siège et s'assit. Il n'eût guère pu faire autrement après une pareille prière. Ce n'était pas parce que j'étais malade que je vous envoyais chercher, ou plutôt que j'ai permis à Lady Scatcherd de vous écrire. « Dieu vous garde, Thorn. Croyez-vous que je ne sache pas ce qui me rend malade ? Quand j'ai sous les yeux ce malheureux Winterbones qui se tue avec du genièvre, pensez-vous que je puisse ignorer ce qui m'attend ? Pourquoi alors faites-vous comme lui ? Votre vie n'est pas comme la sienne. Scatcherd, Scatcherd, ne pouvez-vous donc vous abstenir du poison qui vous tue ? Et le docteur se disposait à faire un sermon éloquent. M'abstenir ? Est-ce ainsi que vous connaissez la nature humaine ? Pouvez-vous vous abstenir de respirer et vivre dans l'eau comme un poisson ? Mais la nature ne vous ordonne pas de boire comme vous le faites, Scatcherd. L'habitude est une seconde nature, une nature plus puissante même que la première. D'ailleurs, pourquoi ne boirais-je pas ? Le monde m'a-t-il donné autre chose pour tout ce que j'ai fait pour lui ? Quelle autre distraction, quel plaisir ai-je ? Oh mon Dieu, n'avez-vous pas votre immense fortune ? Ne pouvez-vous pas faire ce qu'il vous plaît, être ce que vous voulez ? « Non !» s'écria le malade, d'une voix qui retentit dans toute la maison. « Non, je ne puis pas faire ce que je voudrais. Je ne puis pas être ce que je désirerais. Que puis-je faire? Que puis-je être? À part l'eau de vie, quel autre plaisir m'est permis? Si je me trouve parmi des gentlemen, puis-je causer avec eux? S'ils ont quelques questions à me faire touchant les chemins de fer, je puis bien leur répondre. Mais dès qu'ils abordent un autre sujet, je n'ai plus qu'à me taire. Si je vais parmi mes ouvriers, peuvent-ils causer avec moi ? Non, car je suis leur maître, et un maître sévère. Ils baissent la tête et tremblent à mon approche. Où sont mes amis ? En voilà un ! Dit-il en sortant une bouteille de dessous son oreiller même. Où sont mes plaisirs ? Là-dedans. Et il mit la bouteille presque sous le nez du docteur. Où est mon unique ressource, mon seul repos, ma seule consolation après tous mes travaux ? Là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et en disant ces mots, il replaça son trésor sous son oreiller. Cette scène avait quelque chose de si affreux que le docteur recula tout surpris et muet pendant un instant. « Mais, Scatcherd, dit-il enfin, vous ne voudriez pas sacrifier votre vie à une telle passion ?»« Sacrifier ma vie ? Oui, certes. Je vivrai tant que je pourrai vivre et je mourrai quand il me faudra mourir. Mourir pour satisfaire une pareille passion, mais il y a des hommes qui meurent pour un shilling par jour. » Un homme en est-il plus malheureux parce qu'il meurt ? Non, non. Vous avez dit, on ne meurt qu'une fois. Eh bien, je mourrai volontiers 10 fois pour satisfaire ma passion. Vous parlez comme un fou ou vous cherchez à m'effrayer, Scatcherd. Il y a peut-être de la folie, peut-être de la sottise dans ce que je dis. Une vie comme la mienne rend un homme sot ou fou. Pourquoi aurais-je peur de la mort? J'ai 300 000 livres sterling, et je les donnerais pour pouvoir retourner demain à ma truelle et à mon mortier. Je les donnerais pour retrouver un compagnon qui me frapperait sur l'épaule en me disant « Allons, Roger, allons boire une demi-pinte. » Écoutez-moi, Ford. Quand un homme a gagné 300 000 livres, il ne lui reste plus qu'à mourir. Quand on a réussi à se faire une fortune, il faut savoir la dépenser, et celui qui l'a gagnée en a rarement le courage. Le docteur essaya de calmer l'esprit du malade, non pas que tout ce qu'il pût dire réussît à consoler le malheureux, mais il était impossible d'entendre d'aussi terribles vérités, car dans le cas de Scatcherd, c'était des vérités, en effet, sans y faire quelque réponse. « Cela vaut bien une comédie, n'est-ce pas, Thorne ?» reprit Sir Roger. « Vous ne vous doutiez pas que je fusse si bon acteur. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je vous ai fait venir. Avant d'avoir cette dernière crise, j'ai fait mon testament. Vous en aviez déjà fait un auparavant? Oui, mais je l'ai détruit. Je l'ai brûlé de ma propre main afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Dans ce testament, vous étiez nommé exécuteur testamentaire avec Jackson. J'étais alors associé avec Jackson pour l'entreprise du Grand Central d'York et Yeovil. J'avais dans ce temps-là une très bonne opinion de lui, mais aujourd'hui il ne vaut pas un shilling. Bien, nous sommes, à ce que je vois, dans la même catégorie. Non, certes. Jackson n'est rien sans argent, tandis que vous, ce n'est pas l'argent qui vous fera jamais. Ni moi qui en ferai jamais. Vous dites vrai. Quoi qu'il en soit, voilà mon autre testament. Il est là-bas, sous ce pupitre. Dans celui-là, vous êtes nommé seul exécuteur testamentaire. Vous prendrez d'autres dispositions, Scatcherd, il le faut absolument. La répartition de 300 000 livres sterling est une responsabilité trop grande pour un seul homme, d'ailleurs. Vous feriez mieux de choisir quelqu'un de plus jeune que moi. Nous sommes du même âge et je puis mourir avant vous. Allons, docteur, pas de bêtises. Rappelez-vous une chose, c'est que si vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes rien. Oui, mais Scatcherd. Oui, mais docteur, voilà le testament, il est fait. Je ne désire pas vous consulter, vous êtes nommé mon exécuteur. Et si vous avez le cœur de vous y refuser quand je serai mort, vous serez libre de le faire alors. Le docteur n'était pas assez au courant des affaires pour savoir s'il lui était possible de se tirer de la position difficile où son ami paraissait déterminé à le placer. « Ce sera vous qui serez chargé de veiller à l'exécution de ce testament, Thorne. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai fait. »« Mais vous n'allez pas me dire comment vous avez disposé de toute votre fortune ?»« Non, pas de toute. J'ai consacré 100 000 livres sterling à différents legs, y compris ce que je laisse à Lady Scatcherd. » Ne lui avez-vous pas laissé cette maison? Non. Que diable voulez-vous qu'elle fasse d'une maison comme celle-ci? Elle ne sait même pas comment y vivre, à présent qu'elle en est maîtresse. J'ai veillé à ses intérêts, ne vous en inquiétez pas. La maison, les terres, le reste de ma fortune, tout ira à Louis-Philippe. Comment? 200 000 livres sterling? S'écria le docteur. Et pourquoi pas? Pourquoi ne laisserais-je pas 200 000 livres à mon fils, et même à mon fils aîné, si j'en avais plusieurs? « Monsieur Gresham ne laisse-t-il pas sa fortune au sien? Pourquoi n'aurais-je pas un héritier, tout aussi bien que Lord de Courcy ou le duc d'Avry? Vous voudriez, je suppose, qu'un acte du Parlement défendît un entrepreneur de chemin de fer d'avantager un fils aîné? Mon fils n'aura-t-il pas un titre à soutenir? C'est plus que n'en ont les Gresham eux-mêmes. » Le docteur expliqua du mieux qu'il put l'exclamation qui lui était échappée. Il ne pouvait pas convenir de ce qu'il avait voulu dire, à savoir que le fils de Sir Roger n'était pas un homme auquel on pût confier une aussi grande fortune. Sir Roger n'avait qu'un fils. C'était l'enfant qui était venu au monde peu après sa détention et que l'on avait sevré pour faire place à l'héritier de Greshamsbury. Il avait grandi, mais non en force et en intelligence. Son père, qui voulait en faire un gentleman, l'avait envoyé à Eton et à Cambridge. Mais même cette éducation classique n'avait pu en faire un homme instruit ou distingué. Il est difficile de définir ce qu'il faut pour atteindre ce but, bien que certaines personnes aient des idées assez vagues et néanmoins assez correctes sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, 2 ans passés à Eton et 3 années à Cambridge n'avaient pu réussir à faire un gentleman de Louis-Philippe Scatcherd. Oui, on l'avait baptisé Louis-Philippe d'après le roi des Français. Si l'on est curieux de savoir quels sont en général les enfants que l'on a affublé du nom de roi ou de reine, on n'a qu'à chercher parmi les démocrates. Personne plus qu'eux n'attache une importance presque servile à tout ce qui appartient ou a appartenu à des têtes couronnées. C'est sans doute la distance qu'ils sentent exister entre eux et un trône qui leur fait convoiter jusqu'aux oripeaux de la royauté. Louis-Philippe Scatcherd n'avait de royal que le nom. Il était maintenant arrivé à l'âge de discrétion, et son père, voyant que Cambridge ne remplissait pas son but, s'était décidé à le faire voyager avec un précepteur. Le docteur en avait entendu parler de temps en temps. Il savait que le jeune homme avait hérité des vices de son père, mais non de ses talents. Qu'il avait commencé par mener une vie dissipée sans être généreux, et qu'à l'âge de 21 ans, il avait déjà eu des attaques de délirium tremens. Aussi n'avait-il pu s'empêcher de montrer de la désapprobation plutôt que de la surprise en apprenant que Sir Roger laissait la presque totalité de son immense fortune aux mains d'un pareil fils. « J'ai travaillé ferme pour amasser ma fortune, » reprit le malade. « J'ai le droit d'en disposer à ma guise. Quelle autre satisfaction peut-elle me donner ?» Le docteur l'assura qu'il n'avait nullement l'intention de lui contester ce droit. « Louis-Philippe saura très bien se tirer d'affaire, vous verrez, » continua Sir Roger, qui devinait ce que son ami pensait de son héritier. « Il faut bien que jeunesse se passe. Plus tard, il n'en sera que plus sérieux. » « Et s'il ne vit pas jusqu'à ce que jeunesse soit passée ?» se disait le docteur. « Ou si la jeunesse se passe sans lui laisser assez de force pour que l'âge produise quelque chose ?» Mais il était inutile de communiquer ses réflexions à Sir Roger. Il le laissa donc continuer. « Si j'avais eu plus de liberté dans ma jeunesse, je n'aimerais pas l'autre vie comme je l'aime aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, mon fils sera mon héritier. » J'ai eu le bon esprit de faire une grande fortune, mais je n'ai pas celui de la dépenser. Mon fils pourra se mesurer avec n'importe qui. Je suis sûr qu'il pourra lever la tête plus haut que le jeune Gresham lui-même. Ils sont du même âge. J'ai de bonnes raisons pour m'en souvenir, ainsi que Lady Scatcherd. Le fait est que Sir Roger n'avait pas pour le jeune Gresham une affection bien vive. Quant à sa femme, elle l'aimait peut-être autant que son propre enfant. « Et ne comptez-vous mettre aucun frein aux dépenses extravagantes que votre fils pourrait faire ? Si vous vivez 10 ou 20 ans encore, comme je l'espère bien, ces précautions seront inutiles, mais quand on fait un testament, il est bon de se rappeler qu'on peut mourir subitement. Surtout si l'on couche avec une bouteille d'eau-de-vie sous son oreiller, hein, docteur ? Mais rappelez-vous que ceci est un secret de malade. Pas un mot de cela hors de la chambre à coucher. » Le docteur soupira. Que répondre à un pareil homme ? « Oui, reprit l'ancien tailleur de pierre, j'ai mis un frein à ses dépenses. Mais comme je ne veux pas qu'il dépende pour vivre de qui que ce soit, je lui ai laissé 500 livres sterling de revenus à partir du jour de ma mort. Il en fera ce que bon lui semblera. »« Ce n'est certainement pas une grande somme, » dit le docteur. « Non, et je n'ai pas l'intention de le restreindre ainsi toute sa vie. Qu'il ait tout ce qu'il désire, pourvu qu'il dépense convenablement sa fortune. Voilà les dispositions que j'ai prises. » Le domaine de Boxall Hill, l'hypothèque sur Gleshamsbury, ainsi que toutes les autres hypothèques, seront à lui à l'âge de 25 ans. Jusque-là, vous aurez le droit de lui donner ce dont il aura besoin. S'il meurt sans enfant avant l'âge de 25 ans, ses biens passeront à l'aîné des enfants de ma sœur Mary. L'aîné des enfants de Mary, dit le docteur, qui sentit la sueur lui perler sur le front et qui ne contint qu'avec peine son émotion. L'aîné des enfants de Mary. Vous devriez vous exprimer plus clairement, Scatcherd, si vous ne voulez pas que la plus grande partie de votre fortune aille aux hommes de loi. Mais je ne sais pas le nom d'un seul des enfants de ma sœur. Entendez-vous un fils ou une fille? Mary peut n'avoir que des filles ou que des garçons. Cela m'est parfaitement égal. La fortune serait peut-être mieux placée entre les mains d'une fille, mais dans ce cas-là, vous veillerez à ce qu'elle épouse un honnête homme. Vous seriez son tuteur. Bah, quelle folie! Louis aura 25 ans dans un an ou deux, dans 4 ans. Et tout cela sera arrangé avant ce moment. Vous ne nous quitterez pas de sitôt, j'espère. Non, si cela dépend de moi. Il y a 10 chances contre 1 que cette clause de votre testament sera inutile. C'est très possible. Si je meurs, Louis-Philippe sera toujours là. Mais je crois de mon devoir de l'empêcher de gaspiller sa fortune avant qu'il soit devenu raisonnable. Vous avez très bien fait, mais vous auriez pu fixer un âge plus avancé. Non. Je connais Louis-Philippe. À cet âge, il saura bien ce qu'il fait. Maintenant, docteur, vous savez ce que contient mon testament. Si je venais à mourir demain, vous sauriez ce que j'attends de vous. » Vous avez simplement dit « l'aîné des enfants, Scatcherd ?» « Oui. Passez-moi le testament, je vais vous le lire. » « Non, non, peu importe. L'aîné des enfants. » « Vous devriez vous expliquer plus clairement, Scatcherd. Songez donc à l'immense portée que peuvent avoir ces mots. » « Que diable pouvais-je dire? Je ne sais pas leur nom. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Mais l'aîné est partout l'aîné. J'aurais peut-être dû désigner le plus jeune, puisque je ne suis qu'un entrepreneur de chemin de fer. » Scatcherd commençait à penser que le docteur pouvait bien le laisser à la société de Winterbones et de sa bouteille d'eau-de-vie. Mais son ami, qui s'était dit si pressé de s'en aller, semblait maintenant l'avoir complètement oublié. Il restait assis près du lit, les mains appuyées sur ses genoux, les yeux fixés sur la courte pointe. Enfin, poussant un profond soupir, il reprit « Scatcherd, il faut absolument être plus explicite dans cette affaire si vous voulez que je m'en mêle. » « Mais que diable voulez-vous que je fasse? À l'aîné des enfants, n'est-ce pas assez clair? Qu'il s'appelle Pierre ou Jacques. » « Qu'a dit votre notaire de tout cela ?»« Mon notaire? Croyez-vous que je l'ai mis au courant de ce que je comptais faire ?»« Non, il m'a seulement fourni le papier et la forme nécessaire. Il est resté dans une chambre tandis que Winterbones et moi nous étions dans une autre occupés à dresser le testament. L'acte est parfaitement en règle. » Quoique Winterbones l'ait écrit, le pauvre diable était dans un état qui ne lui permettait pas de savoir ce qu'il faisait. Le docteur resta encore quelques instants silencieux, puis il se leva pour partir. « Je reviendrai bientôt, » dit-il. « Peut-être demain. »« Demain ?» dit Sir Roger, ne comprenant pas pourquoi le docteur parlait de revenir si tôt. « Demain ? Je ne suis pourtant pas si malade, hein ? Vous me ruinerez si vous venez si souvent. Je ne viendrai pas comme médecin. Mais à propos de ce testament, Scatcherd, il faut que je réfléchisse à tout cela. » « Ne vous inquiétez pas de mon testament avant ma mort. Qui sait, c'est peut-être moi qui aurai à veiller à vos affaires, quand vous ne serez plus. Et à chercher à marier à votre nièce, hein ? Ha ha ha !» Le docteur sortira sans en entendre davantage.